pas un usurpateur. Je ne suis pas un imposteur. Je suis juste un chanteur. Un de plus, me direz-vous, pas un de ceux qui prient partout. Mais je m'améliore. Je voudrais être décorateur, m'occuper votre intérieur. Je ne suis pas un vrai flambeur, pas un de ces beaux parleurs. Je suis juste un chanteur. Oui, un chanteur. Un de plus, me direz-vous, toujours très sûr devant vous. Je perds ses vers. Je voudrais être décorateur, m'occuper votre intérieur. Ba-ba-ba-la. Ba-ba-ba. C'est vrai que je pourrais faire autre chose. Bah oui, mais quoi? Vrai métier, comme on me dit parfois. Non. Mais j'assume, faut que j'ose. Mon plus grand plaisir, c'est être là. Je me présente, Stéphaner. Non, je ne suis pas ce dont j'ai l'air. Je me présente, Stéphaner. Qui est plus fort que moi? Quoi? Oui, tous ces airs.